Chapitre 9e. Précisément parce qu'il était bien décidé à ne pas faire maintenant long séjour au Glion, le colonel Chamberlain pensa qu'il devait renoncer à son excursion habituelle. Il n'était pas convenable de fuir le prince Mazzazzoli le jour même de son installation dans un pays qui lui était à peu près inconnu. Et dans les termes où ils étaient, la politesse exigeait qu'il se mît à sa disposition. Il ne sortit donc point ce jour-là. Ou tout au moins il ne sortit pas seul, pour s'en aller comme à l'ordinaire courir la montagne. Comme il avait été dépossédé de la chambre dans laquelle il prenait ses repas, il dut déjeuner dans la salle à manger commune. Au moment où il allait entrer dans cette salle, il se rencontra avec le prince, et celui-ci lui proposa de prendre place à la table qu'il s'était fait réserver au lieu de s'asseoir à la grande table. Il se trouva donc placé entre la comtesse et Carmelita, et au lieu de lire tout en mangeant comme il en avait l'habitude lorsqu'il était seul, il dut soutenir une conversation suivie. Il avait une crainte assez poignante, qui était que la comtesse ou Carmelita vinssent à parler de Madame de Lucilière. Mais le nom de la marquise ne fut même pas prononcé, et comme s'il avait eu une entente préalable pour éviter les sujets qui pouvaient le gêner, on ne parla pas de Paris. La comtesse ne s'occupa que de sa maladie et Carmelita que du pays dans lequel elle allait passer une saison. Elle montra même tant d'empressement à connaître ce pays que le colonel se trouva pour ainsi dire obligé à se mettre à sa disposition pour la guider après le déjeuner. « Nous commanderons une voiture, » dit le prince, « et nous emploierons notre après-midi à visiter les villages environnants. » Cet arrangement n'était pas pour plaire au colonel, mais il ne pouvait guère le repousser. D'ailleurs, il ne se laisserait pas entraîner bien loin puisqu'il partirait dans quelques jours. Pendant que la comtesse et sa fille allaient revêtir une toilette de promenade, le prince prit le colonel par le bras et l'emmena à l'écart. « Est-ce que vous avez reçu des lettres de Paris depuis votre départ ? » demanda-t-il. « Non. » « Alors vous ignorez l'effet que ce départ a produit ?» C'était là un sujet de conversation qui ne pouvait être que très pénible pour le colonel. Il ne répondit donc pas à cette question. Mais le prince continua. « Personne ne s'est mépris sur les causes qui ont provoqué votre brusque détermination. » Le colonel leva le bras comme pour fermer la bouche au prince, mais celui-ci parut ne pas comprendre le geste. « Et tout le monde vous a prouvé, » dit-il. « Il n'y a qu'une voix dans tout Paris. » Disant cela, le prince Mazzazzoli tendait sa main au colonel comme pour joindre sa propre approbation à celle de tout Paris. La situation était embarrassante pour le colonel. Que signifiaient ces paroles? Pourquoi et à propos de quoi l'avait-on approuvé? C'était une question qu'il ne pouvait pas poser au prince cependant. « Je vous dirai entre nous, » continua celui-ci, que Madame de Lucilière elle-même n'a pas caché son sentiment. » Ce nom ainsi prononcé le fit pâlir et son cœur se serra, mais la curiosité l'empêcha de s'abandonner à son émotion. « Et quel sentiment ? » se demanda-t-il. « Qu'a-t-elle pu faire ? Qu'a-t-elle pu dire ? Avait-elle donc parlé elle-même de leur rupture ? Alors comment l'avait-elle expliqué ? » Si pénible que lui fût ce sujet, il ne lui était plus possible de ne pas l'aborder. « Quel sentiment ? » demanda-t-il. « Mais celui qu'elle a éprouvé en apprenant votre départ. D'abord, quand on a commencé à croire que vous aviez véritablement quitté Paris, on a été fort étonné. Tout le monde avait pensé qu'il ne s'agissait que d'une excursion de quelques jours, mais en ne vous voyant pas revenir, on a compris que c'était au contraire un vrai départ. Pourquoi ce départ ? C'est la question que chacun s'est posée et chez tout le monde la réponse a été la même. Sur ce mot, le prince Mazzazzoli fit une pause et regarda le colonel en se rapprochant de lui. « Trouvant votre responsabilité trop gravement compromise dans votre association avec le marquis de Lucilière, vous vouliez bien établir que vous n'étiez pour rien dans les paris engagés sur Voltigeur. » Le colonel respira. L'esprit et le cœur remplis d'une seule pensée, il n'avait nullement songé à cette explication, et il avait tout rapporté dans ses paroles à double sens à Madame de Lucilière. Un jour que l'on discutait votre départ mystérieux dans un cercle composé des fidèles ordinaires de la marquise, le duc de Mestosa, le prince Seratoff, Lord Ferguson, Madame de Lucilière affirma très nettement que vous aviez bien fait de quitter Paris. « Le colonel est un homme violent, » dit-elle, « un caractère emporté. » Il eût pu se fâcher en entendant les sots propos qu'on colporte sur les gains extraordinaires de voltigeur. Et avec lui, les choses seraient assurément allées à l'extrême. Il a voulu se mettre dans l'impossibilité de se laisser emporter. Je trouve qu'il agit sagement. Vous pensez, mon cher ami, si ces paroles ont jeté un froid parmi nous ? Personne n'a répliqué un mot. Mais la marquise s'étant éloignée, on s'est expliqué et tout le monde est tombé d'accord sur la traduction à faire des paroles de Madame de Lucilière. Évidemment, la femme ne pouvait pas accuser le mari franchement, ouvertement. Mais d'un autre côté, l'ami ne voulait pas qu'on puisse vous soupçonner de vous associer au procédé du marquis. De là ce petit discours assez obscur en apparence, mais au fond, très clair. Qu'en pensez-vous ? Le colonel ne répondit rien, car ce qu'il pensait, il ne lui convenait pas de le dire. « Ainsi, mon cher colonel, continua le prince, personne n'a eu un moment de doute sur les causes de votre départ et tout le monde vous a approuvé. Vous auriez donc pu vous dispenser d'affirmer votre rupture par la mission confiée à notre ami Gaston de Pompéran. Ce n'est pas que je vous blâme, au moins je comprends très bien que vous n'ayez pas voulu partager devant le public la responsabilité des agissements du marquis. » Et que par conséquent vous avez tenu à ce que tout le monde sût bien que vous n'étiez plus son associé dans son écurie de course. Seulement le coup a été rude pour ce pauvre marquis, et quand Gaston a annoncé tout haut, vous savez comme il dit les choses, qu'il avait reçu un pouvoir de vous pour procéder à la liquidation de votre association avec le marquis, ça a été un véritable débordement contre ce pauvre marquis, qui m'a vivement peiné. Heureusement il n'est pas homme à baisser la tête ou à perdre sans sourire. Il a fait contre fortune bon cœur, et en somme, je crois que tout finira pour le mieux. En tout cas, pour vous, je le répète, il y a eu approbation générale. Et je suis probablement le seul qui ait regretté les instructions données par vous à Gaston. Mais cela tient à ma vive amitié pour le marquis. J'aurais voulu le ménager. Comment, me direz-vous ? Je n'en sais rien. Et je comprends très bien que vous ayez cédé à des considérations d'un ordre plus élevé et pour vous d'une importance capitale. Ainsi, la marquise n'avait pas craint d'expliquer leur rupture en jetant la suspicion sur son mari. « Ce n'est pas avec moi qu'il a rompu, avait-elle dit, c'est avec M. de Lucilière. » Ce fut pour le colonel une blessure nouvelle, la plus douloureuse qu'il reçut depuis le jour où il avait lu ses horribles lettres. Elle tenait donc bien à ménager la jalousie de ses fidèles, qu'elle n'en reculait pas devant une pareille explication. À ce moment, la comtesse Belmonte et Carmelita descendirent dans le jardin, prêtes pour la promenade, et l'on monta en voiture. Le prince s'était placé vis-à-vis sa sœur, le colonel se trouva en face de Carmelita. Il ne pouvait pas lever les yeux sans rencontrer ceux de la belle italienne posés sur les siens. La promenade fut longue et ils restèrent plusieurs heures ainsi en face l'un de l'autre. « Est-ce qu'il y a des chemins de voiture pour aller sur les flancs de cette montagne ?» demanda Carmelita en rentrant à l'hôtel et en montrant du bout de son ombrelle les pentes boisées du mont Cubli. « Non, répondit le colonel, il n'y a que des sentiers pour les piétons. »« Ne me demande pas de t'accompagner, dit le prince, tu sais que les ascensions sont impossibles pour moi. »« Oh, quand je voudrais faire cette promenade, ce ne sera pas à vous que je m'adressais, mon cher oncle, dit-elle en riant, ce sera au colonel. »